les ailes de la Rolls effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé. Cette Silver Ghost de 1910 s'avance en éclaireur, la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. Poste de radio couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. Avant que je ne perde le contrôle de la Rolls, j'avançais lentement. Ma voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde! J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. Qui perdait l'équilibre. Tu t'appelles comment? Melody. Melody comment? Melody Nelson. Melody Nelson a les cheveux rouges et c'est leur couleur naturelle.